Le contexte politique de la Grèce aujourd'hui est celui d'un État gouverné par un parti de droite nationaliste, comprenant des membres de l'extrême droite néo-nazie, qui s'est fait élire par une campagne anti-migrants et qui est soutenu par l'Europe depuis la crise à la frontière turque en mars 2020 pour fermer encore plus les frontières et les camps. Depuis l'élection de Nea Dimokratia, la nouvelle démocratie, en juillet 2019, la présence policière et la répression augmentent chaque mois un peu plus, avec un pic jamais vu pendant le confinement. Contrôle incessant, humiliation, maltraitance, rafles, emprisonnement pour seul crime de ne pas avoir les bons papiers. Dans cette situation, trouver un travail veut dire travailler comme esclave, pour des salaires encore deux fois plus bas que les salaires officiels en Grèce, sachant que le SMIC est à 500 euros, et des conditions de travail non respectées, tant concernant les salaires que les horaires et la sécurité. Politique nationaliste et économie de crise se traduisent par la mise au travail des immigrés. We saw like the first terror against migrants on Evros, Thiva, and these things. This makes me like so mad. Makes me like we came from a hell to have life, to live. We didn't came to continue the hell in Greece, but it is a hell in Greece with detention centers, with police repression, with such a state. We are faced every single day life with racist, nationalistic behaviors. We cannot find a job because they don't respect migrants, because their state propaganda is against migrants. And on the other hand, they want migrants to keep them in closed camp as like part of a bank of workers. When they need, they will take them out. For now, like they are faced with economic issues for corona lockdown. So they say, okay, who are recognized, they can go and work. Go work where? Your propaganda before was racist and nationalistic. Now, immediate, you want to change it. It's not possible to do it very quick like this. But on the other hand, they need these workers to work for them as a slave. We are talking not about 20 families, 30 families. We're talking about a big number of migrants, no matter of situation, no matter of condition in life. Pregnant women, single mothers, old people. We're talking about like 12,000 migrants in the street for the state to be slave and work for them to economy goes up. This is the plan, very clear for everybody. When they don't need us, they put us in closed camp. When they want us to work as a slave for them, they say, okay, go out to work. Une personne reconnue comme réfugiée et qui participe à l'Assemblée contre les expulsions nous explique que c'est très clair maintenant. Au début du confinement, une lettre a été envoyée à 12 000 réfugiés pour leur dire que maintenant l'aide serait coupée. Ce qui va amener ces 12 000 personnes dans la rue avec la nécessité de trouver n'importe quel travail à n'importe quelle condition. Une place pour gagner un minimum, certainement pas de quoi se payer un loyer, des médicaments, sa nourriture, ses vêtements, ses transports, etc. Et cela sans aucune distinction de situation. Les camps sont des réservoirs à travailleurs, et c'est la même chose dans le monde entier. En Europe, pareil qu'ailleurs. Et comme ailleurs, ça se fait dans le silence. Alors maintenant, cette assemblée s'est constituée contre ce silence. And all over the world, they are quiet. And also Europeans, they are giving money to Greece to close the borders, put them more in detention center, put them more in closed camp, police stations, throw them to streets. And I'm like, this is human rights. Yes, because human rights doesn't exist for us. Doesn't exist. They took gun against migrants at the border. They throw migrants to the sea. How we can be quiet? How we can just say, okay, this is migrants' struggle? No, this is not only migrants' struggle. This is the responsibility of Greeks, because this is their state, this is their home, this is their country, this is their politics. We cannot stay quiet and say, okay. So then we decided to move and do actions about eviction as well, because the war is coming now into our houses. Les outils sont text, flyer, affiches, Facebook, manifestations, distribution de textes sur les places, Discussion, numéro de téléphone échangé. Ensemble, il et elle refusent de laisser faire, refusent de quitter leur maison, quitte à perdre la cash-card et d'avoir des problèmes administratifs. Now we are talking with lawyers to see how much they can go forward, if it's going to be an immediate eviction with police repression inside the houses. About camps, we are sure, because there are camps and they want to clean and put people out. In saying we want to replace migrants from Ireland, for me it doesn't make sense. You're throwing people in the street, replacing others. 300 people are going to be evicted from Eliona's camp, and we are aware that they threaten people at 4 in the morning with riot cops to kick them out of the houses because it's like out of connexes, because it's like 4 in the morning, there is no big attention, it will be quiet, clean them and put them in the street somewhere here and there. Dans les camps, c'est certain, les expulsions auront lieu à 4h du matin, opérées par des flics anti-émeutes. Dans les appartements du centre-ville d'Athènes, les appartements des ONG, amener la police n'est pas aussi évident. Car ça ne peut se faire qu'un appartement à la fois, et il y en a des centaines. Avant d'emménager, les habitants doivent signer un contrat qui stipule que les ONG peuvent faire appel à la police au cas où ils, elles, refusent de quitter leur logement. Mais dans les faits, ce n'est pas si simple d'amener la police. Il faut d'abord passer par le tribunal, et ça coûte cher. À Athènes, dans les appartements des ONG, 7500 personnes sont concernées par les expulsions. Avec l'aide des avocats, et si ils, elles, sont nombreux, nombreuses à résister, et qu'il y a du soutien, peut-être que ce sera possible. We're talking about a demo, a big demo, to also inform all migrants, collectives, Greek movement, and Solidarian, international comrades, to stand all together. This is our goal in this such a situation all over the world. It's everywhere, it's not only in Greece. Right government is in power everywhere now. Lundi 1er juin 2020, à midi, manifestation devant l'UNHCR. 1st of June, we will have gathering in front of UNHCR main office, because they told us even if you don't leave the place, the house, we will block your cash. So there is no money for food, for medicine, for diaper, for powder milk. There is no ice cream for children. I think everybody goes to shop and buy ice cream for their children. We don't deserve it. What is this life? Disrespectful. We cannot stand this. So we decided to fight back, resist. And we are in communication with some lawyers who are comrades, who are good people, who are willing to support us. To stand together. Let's see what they want to do.